Marco Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 20 novembre 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord avec l'Indonésie sur l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services a été adopté par le Conseil des ministres de ce mercredi. Une peine carcérale à perpétuité, c'est la sentence prononcée ce samedi par le tribunal de grande instance de Kayanza à Bizimana, accusé d'avoir assassiné sa femme. Ses parents jugés complices écopent d'une prison ferme de 20 ans. Et à la une de l'actualité internationale, c'est la première Coupe du monde de football à se tenir dans le monde arabe qui commence au dimanche 20 novembre à Al-Khor au Qatar. Elle a été accompagnée d'un cortège de polémiques. Vous entendrez aussi l'analyse d'un confrère sportif sur cette Coupe du monde. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord avec l'Indonésie sur l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services a été adopté par le Conseil des ministres de ce mercredi. Le secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement a déclaré qu'il s'agit d'une réponse au souci de voir les deux pays développer davantage leurs relations bilatérales et de coopération. Néanmoins, Prosper Nahorouamiye a indiqué que le gouvernement burundais doit veiller à ce qu'il tire profit de cet accord, surtout dans le domaine économique. Dans le souci de renforcer les relations bilatérales et de coopération, le gouvernement de la République d'Indonésie et le gouvernement de la République du Burundi ont signé le 22 septembre 2022 à New York l'accord sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Le gouvernement du Burundi conclut ce type d'accord avec des États avec lesquels il entretient depuis longtemps de bonnes relations. Les titulaires de passeports diplomatiques ou de services bénéficieront ainsi d'une liberté de déplacement accrue dans les deux pays. Le présent accord vient répondre au souci de voir les deux nations développer davantage leurs relations d'amitié et de faciliter la circulation de leurs ressortissants respectifs dans le respect du principe d'égalité et de réciprocité. La ratification de cet accord va faciliter la signature d'autres accords bilatéraux, en particulier l'accord sur la prévention de la double imposition et la protection des investissements, en vue d'encourager l'augmentation des investissements entre les deux pays. Après échange et débat, le projet a été adopté avec comme recommandation de veiller à ce que le Burundi tire profit de cet accord avec ce pays qui s'est très rapidement développé. Envisager la signature des accords sectoriels dans les domaines prioritaires de notre pays comme l'agriculture, l'éducation, l'économie, les technologies de l'information et de la communication, le commerce, etc. Veiller à ce que la diplomatie soit plus active dans la protection des intérêts des ressortissants burundais qui se font escroquer, notamment au moment de l'importation des marchandises, alors que le Burundi a signé des accords avec ces pays. Prosper Nahorouamiye, secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement. Une peine carcérale à perpétuité, telle est la sentence prononcée dans un procès de ce samedi à Bizimana, accusé d'avoir assassiné sa femme dans la nuit de samedi à dimanche passé. L'auteur a pris fuite après le meurtre, mais a été arrêté au marché de Ruhororo en province Ngozi la semaine en cours. Les parents de Bizimana, accusés de complicité du fait que des habits de la victime ont été retrouvés le lendemain chez eux. Le tribunal de grande instance de Kayanza les a frappés d'une prison ferme de 20 ans. Tous les prévenus ont plaidé non coupables. On est à Kayanza, on y reste. C'est pour vous dire que le centre de santé Yanza souffre d'insuffisance de matériel et nous disposons de seulement 5 lits et 5 matelas. L'hospitalisation des malades est presque donc impossible à ce centre de santé, déplore Anezine Dairagije, la titulaire de cette structure de soins. Du moment que ce centre de santé souffre également du manque de courant électrique, l'administration communale Muruta promet de trouver une solution à ce problème dans un proche avenir. Patrick Sengiyumva. Il y a 4 ans que le centre de santé Anza a ouvert ses portes, mais depuis le début de son fonctionnement, cette structure de soins souffre d'un manque criant de matériel comme des lits et des matelas. Propos d'Anezinda Ilagije, titulaire du centre de santé Anza. Lors de notre passage, il y avait peu de patients. Interrogés les infirmiers au centre de santé Anza, ils nous ont fait savoir que même le soir, des malades préfèrent aller se faire soigner ailleurs aux autres centres de santé parce que le centre de santé Anza n'a pas du courant électrique. Il y a 2 ans, à cause du transformateur d'énergie électrique abîmé, le manque du courant électrique à cette structure de soins paralyse certaines des activités. L'exemple est selon les infirmiers, la stérilisation des objets utilisés qui se fait avec du bois de chauffage. Aline Chimay, gestionnaire au centre de santé Anza, fait savoir que peu de patients sont confiés à cette structure de soins et qu'on gagne peu d'argent qui ne permettent pas le bon fonctionnement de ce centre de santé. Elle donne l'exemple que le centre de santé Anza doit à l'Institut national de la sécurité sociale et INSS en sigle une somme d'argent de 7 668 000 de nos francs, comptant pour les frais d'assurance de 6 employés contractuels du CDC Anza. Anezinda Ilagije, titulaire du centre de santé Anza, demande à l'administration communale de Muruta d'intervenir pour que cette structure de soins qu'elle représente soit dotée d'un nouveau transformateur d'énergie électrique. Ouda Siachiman, administrateur communal de Muruta, tranquillise que la question a été déjà soumise à la direction générale de la régie des eaux et que très prochainement une solution sera trouvée. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganilo. Dokayanza, rendons-nous à Bururi où l'ONG Foresta Burundi réclame des sanctions sévères contre les éleveurs qui laissent leurs troupeaux brouter dans les jeunes repousses des collines Nebgate, Mbargweza et Nyakabenga en commune Vianda de la province de Bururi. Selon cette ONG, ces éleveurs seraient parmi les auteurs des feux de brousse qui ont dévasté la saison sèche et coulée, qui ont dévasté ces collines la saison sèche écoulée à raison de plus de 80% de plus de 190 000 arbres qu'elles avaient plantés cette année. Au niveau de l'administration provinciale, la Bururi ont fait savoir que les éleveurs qui passent outre la mesure de stabulation permanente sont punis et d'ailleurs certains sont aujourd'hui emprisonnés. Correspondance Zenon Zambuman. Au cours de cette année sylvicole 2021-2022, l'ONG Floresta Burundi avait planté plus de 190 000 plants, dont les eucalyptus, les calitrices et les agroforestiers sur les collines Boatemba, Gweza et Nyakabenga, c'est dans la commune de Vianda, province de Bururi. C'était dans le but de protéger les bassins versants de la rivière Nyengwe, selon Jean-Marie Ndaikeza de l'ONG Floresta, responsable de ces bassins versants. Il déplore que 80% de ces jeunes arbres, d'une valeur de plus de 20 millions de francs burundais, ont été dévastés cette saison sèche écoulée par les feux de brousse et aujourd'hui certains des éleveurs de la commune de Vianda laissent leurs troupeaux brouter dans les jeunes repousses sur ces collines. Jean-Marie Ndaikeza réclame des sanctions sévères contre ces éleveurs qui seraient parmi les auteurs de ces feux de brousse qui sont observés toutes les saisons sèches dans cette commune. Annonciata Ndaikunda, conseiller juridique au cabinet du gouverneur de la province de Bururi, fait savoir que l'administration est à l'œuvre pour décourager les auteurs de ces faits de brousse. Et d'ailleurs, certains ont été déjà appréhendés et punis. Elle appelle toute la population de la commune de Vianda, y compris les employés de l'ONG Floresta, à dénoncer tous les éleveurs qui ne respectent pas la mesure de stabulation permanente. Tout cela a été dit ce vendredi à Bururi. C'était au cours d'une réunion de coordination des projets et programmes de protection sociale, une réunion organisée par la Commission nationale de protection sociale. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. On parle sport. La Coupe du Monde qui démarre aujourd'hui au Qatar est bien organisée avec 6 nouveaux stades construits et qui s'ajoutent aux autres déjà existants. Élisée Niyoubahwe, journaliste sportif qui suit de près cette compétition mondiale, fait savoir que la particularité de cette année est que la Coupe du Monde est organisée en saison pluvieuse suite à la haute chaleur qui se trouve au Qatar. Il ajoute également que ce qui a étonné les amateurs du ballon rond, c'est l'absence de l'équipe nationale italienne qui a remporté malgré tout beaucoup de fois cette compétition. On l'écoute. La Coupe du Monde, c'est un événement mondial qui demande beaucoup de moyens financiers pour son organisation. Le Qatar, c'est un pays très riche, c'est un pays touristique et il a dû débloquer beaucoup de moyens pour pouvoir se préparer à cette Coupe du Monde. Comme par exemple, si les 8 stades qui vont abriter les différents matchs, 5 ou 6 stades sont nouveaux, c'est-à-dire que 2 ont été rénovés. Il y a eu utilisation également beaucoup de moyens travailler dans la construction de nouveaux hôtels et la rénovation de ce qui existait déjà, la rénovation des routes et les lieux publics. Donc, en général, le Qatar a mis en œuvre beaucoup de choses pour une organisation digne de son nom. Je crois que jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de lamentation dans l'un ou l'autre pays si l'organisation, si les préparatifs, si l'accueil pour cette Coupe du Monde. Et quelles sont les attentes de cette Coupe du Monde et de cette édition 2022 qui se déroule au Qatar? La première particularité, c'est l'absence de l'Italie. L'Italie est parmi les pays ayant remporté des trophées de Coupe du Monde, mais qui est absent pour cette édition. C'est considéré comme un grand absent pour cette Coupe du Monde, l'équipe nationale italienne. Et d'autres particularités concernent la période de l'organisation de cette Coupe du Monde. On était habitué aux Coupes du Monde qui sont organisées pendant la saison sèche et pendant l'été, début juin jusqu'au début juillet. Mais pour cette édition, c'est novembre et décembre. Cela a dû aux fortes chaleurs qui sont enregistrées au Qatar, parce que pendant la saison sèche, on peut même atteindre les 50 degrés Celsius. Alors vous comprendrez que organiser la Coupe du Monde pendant cette période serait exposé, les joueurs seraient exposés, les équipes et les supporters qui ont fait des déplacements en provenance de différents pays du monde. Et concernant les équipes qui vont représenter le continent africain, il précise que seuls le Sénégal et le Maroc ont la chance d'arriver très loin dans cette compétition au regard des performances de leurs joueurs. On l'écoute encore une fois. Les représentants africains, il y a le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, le Maroc et la Tunisie. Parmi ces cinq pays, je crois que ceux qui affichent un grand niveau, et c'est le Sénégal et le Maroc. Et d'autres pays affichent vraiment un niveau un peu modeste, le Cameroun, le Ghana et la Tunisie. En ce qui est du Sénégal, plus d'un s'attendait à voir les performances de la star Sadio Mané, mais malheureusement, il est blessé et forfait pour son mondial. Et ce qui peut diminuer un peu le moral de l'équipe sénégalaise, mais qui ne peut pas diminuer le niveau tactique de cette équipe. Et en général, quelles sont les perspectives pour cette Coupe du Monde concernant les amateurs de football? Je dirais que les amateurs du ballon rond peuvent s'attendre à un bon spectacle au Qatar, parce que pour cette édition, on compte beaucoup de jeunes par rapport aux joueurs plus âgés. Pour les éditions antérieures, on pouvait compter à 75-70% de joueurs qui ont un âge avancé. Mais pour cette édition, on peut compter 55-60% de joueurs qui sont très jeunes. Élisée Niyobawe, il est journaliste sportif. Ajoutons que Gianni Infantino, le tout-puissant président de la Fédération internationale de football, FIFA, a haussé le ton samedi à la veille du coup d'envoi. Le dirigeant a fustigé l'hypocrisie du monde occidental et estimé que les critiques émises étaient profondément injustes. Infantino a aussi appelé à se concentrer sur le jeu maintenant. Nous organisons une Coupe du Monde et pas une guerre, a-t-il déclaré. Et dans le reste de l'actualité internationale à la une aujourd'hui, c'est la conférence sur le climat de l'ONU qui a adopté ce dimanche 20 novembre au matin une déclaration finale appelant à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre et réaffirmant l'objectif de contenir le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Cet objectif pourtant déjà acté était remis en question par les pays producteurs de pétrole, notamment l'Arabie Saoudite, l'Iran ou la Russie. Les participants à la COP27 se sont par ailleurs mis d'accord sur une résolution concernant le sensible sujet des pertes et dommages. Elle prévoit la création d'un fonds dédié pour financer les dégâts climatiques déjà subis par les pays particulièrement vulnérables. Un véritable bras de fer s'était engagé ces derniers jours entre l'Union européenne, les États-Unis d'une part et la Chine d'autre part, et les pays en voie de développement d'autre part. Pour eux, c'est enfin la reconnaissance de la responsabilité des pays développés dans les catastrophes climatiques qu'ils subissent au quotidien. Cependant, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a regretté le manque d'ambition de la COP27 qui a été clôturée ce dimanche en Égypte. Il est 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en ordre par Eric Ouimana. Au micro, Jean Bosco d'Ouimana. Passez un très bon après-midi.